sais, j'ai de l'admiration pour toi. À une époque, je vivais comme toi dans un monde merveilleux, où tout le monde partageait mes principes. Comme mon chargeur est à vide, mais une cartouche à la va-vite. Car mon stylo d'encre est à vide, de ces Goliaths, moi je suis David. De l'encre dans ma fronde, je l'ai frondé, je les affronte. Pour faire en sorte que s'effondrent ceux qui font que le monde ronde. Des morts, des clochards, des corps, des chars et des guerres. Fiction, réalité, on sait plus trop depuis Schwarzenegger. Quand un moustique est responsable de trop de morts et nourrit au zen. Que sur les plages il reste plus de sable mais des galettes de kérosène. La mort nous attend, on y sera tous exposés, un de ces quatre. Y'en a même qui prennent les devants et se font exploser au C4. Nos chefs opèrent à cœur ouvert et multiplient les incisions de la sphère. Et des mômes auront encore souffert pour rien si on les laisse faire. Entre esclavage, lèpre, MST et mine antipersonnelle. Y'a pas d'âge pour y rester, la famine n'a rien de personnel. Y'a des gros porcs qui prennent l'avion pour s'amasser par des putes de taille. On peut être souillé à 4 ans maintenant pour sucer, y'a plus de taille. Bienvenue au monde du vice où l'ouvrir est une prise de risque. Ou pour une gamine réussir, c'est devenir actrice de X, un monde où sport de haut niveau, rime avec EPO. Et au Real de Madrid, rime avec céréales aux stéroïdes. On navigue au milieu des chauvins en transe à la Thierry Roland. Entre facho et pot de vin qu'en France, s'écrit Groland. Dirigé par un crétin, trop mal être bonne raison de s'en faire. Tu trouves pas ce monde incertain quand à l'horizon pointe l'enfer. Toute ta façon de vivre, c'est un paquet de conneries. Je suis déjà mort. Et tu peux pas me faire peur. Deuxième couplet, deuxième cartouche, deuxième crampe à la main. Mais pour pisser sur George Bush, t'inquiète, je n'attends pas la fin. Que tu penses que son pays est l'un des plus bourrins de la sphère. Que ça peut se finir en zombie, juste pour un blasphème. Tu peux finir sur une chaise, le crâne sous une grosse éponge. Condamné sur une hypothèse, parce que ton profil correspond. Combien de continents se bombardent au nom d'une guerre sainte. Mais les vrais arguments se font rares, comme le moteur d'une R5. L'alcool au volant fait des ravages, chez les jeunes comme chez les vieux. Entraîne souvent des dérapages, alors prie pour que tiennent les cieux. Dans ce monde où même les enfants taffent, pendant que les jours de l'an s'entassent. Et où ils grandissent en fantasme, là où l'indécent prend place. Les sociétés de tabac font tout pour nous faire fumer plus. C'est à col des petits fumés tu, mais tous ces fumiers puent. Tout est bon pour nous pomper plus. Notre une plaque glace, jupe et sauce. Pendant que des ouf bombes des bus, sarcobras et jupe et sus. Des larmes, des drames, trafic d'armes, de la cam. Où les gosses n'aiment plus dans les choux. Mais dans les webcams, la vie c'est simple, la paname. Tout dépend de ta bite, pour te chauffer, faut la cabane. Si tu l'as pas, bah touche ta bite. Perso des tenues bariolées, à porte de bagnolet. Y'a plus de bagnoles cambriolées que de bagnoles cabriolets. Encore un couplet qui s'achève, une page qui se remplit. Pas de changement entre mon cerveau et ce qui sort de l'ampli. Putain, il est dingue ce mec. Oui, je suis complètement dingue. C'est pas ça que vous respectez, le con. Eh ben je t'attends si tu veux être con. Sois pas con à moitié, sois con jusqu'au bout. Allez, prends une flingue, mets-le sur ta tempe et tire-toi une balle tout de suite. Tout de suite. Troisième cartouche bien en place, troisième 24 fera faire feu. Rime aiguisé comme un schlass quand le monde meurt en nerveux. Les jeunes savent faire vachement mal, des mal les guerres de gants. Ça laisse des bleus comme un fer à cheval caché dans une paire de gants. On répète sans cesse tout sans cœur les erreurs du passé. Devant le nombre de fraudeurs, les contrôleurs sont dépassés. La nuit pour les orphelins, c'est soit la rue soit la tasse. Et comme c'est pas gratuit les Formule 1, celui qui a pas la thune pour la tasse. Le monde est fait de béton, de bitume et d'âme abattue. Les hématomes poussent comme des boutons sur le visage des femmes battues. Les lépénistes se sentent fiers après leur passage aux urnes. De nous casser les burnes quand on fait du tapage nocturne. Un fait gênant, on les touche, manipulé, on les touche. Y'a des pics de pollution, c'est ouf, asthmatique, mes poumons, je les tousse. Maladie, pays abandonné, vaut sur les eaux et sécheresse. L'Afrique est abonnée au numéro de SOS détresse. J'allume même plus la télé, c'est les mêmes saloperies qu'hier. Des gros plans sur des cadavres qu'on ramasse à la petite cuillère. J'envie les astronautes, la Terre n'est belle que depuis l'espace. On passe d'un désastre à un autre, la vie se résume à puis les faces. Que je repense à mon père, au cœur j'ai un pincement. Mais pour guérir ce genre de plaie, il n'existe pas de pansement. Je continuerai jusqu'au bout à livrer des textes hardcore, à te raconter la vie, même si tu la connais par cœur.